Charles Baudelaire, La mort des amants. Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, des divans profonds comme des sur des étagères écloses pour nous sous des cieux plus beaux. Usant à l'envi leur chaleur, seront de vastes flambeaux. Oh, n'est-ce pas Yeah.